La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a un petit je ne sais quoi qui fait écran aujourd'hui à Châteaubriant. Peut-être est-ce Victor Hugo qui a tiré à lui toute la couverture de la littérature romantique. Peut-être sont ses positions royalistes, son pessimisme radical qui l'ont rejeté peut-être du côté des anti-modernes. En tous les cas, on ne fait pas toujours beaucoup cas de son génie en ce début de 21e siècle. Et pourtant, Chateaubriand a été bien plus qu'un nostalgique du temps perdu et un fou de hauteurs inatteignables. Il est un poète et un grand sensible, un vrai romantique et un authentique aventurier, comme nous allons le voir ici jusqu'à jeudi. Jeudi, où nous parlerons justement de ses voyages et en particulier de son grand itinéraire de jeunesse en Amérique, ce sera avec Sébastien Baudouin. Mercredi, nous reviendrons sur la carrière politique de Chateaubriand et nous parlerons de la manière dont, selon lui, il convient de penser et d'écrire l'histoire. Tandis que demain, eh bien, nous parlerons de ses œuvres de fiction ainsi que des mémoires d'outre-tombe. Mon invité sera donc demain Fabienne Bersegol. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de cet écrivain, nous sommes en votre compagnie, Bernard Degout. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la maison Chateaubriand à la Vallée aux Loups, une maison que vous avez d'ailleurs fait visiter à nos auditeurs il y a quelques mois dans une émission de la compagnie, toujours disponible en ligne. Vous êtes également l'auteur du livre intitulé « Je ne suis plus que le temps », essai sur Chateaubriand, publié aux éditions Fayard en 2015. Et en 2017, avec Marie-Bénédicte Diethelm, vous avez établi et annoté un volume de lettres inédites des années 1804-1828 intitulé « L'amante et l'ami ». Il s'agit là de la correspondance de Chateaubriand avec Delphine de Custine, avec qui il a vécu une liaison orageuse et passionnelle, et aussi de sa correspondance avec Claire de Duras, avec qui il avait lié une amitié, cette fois aristocratique. Mais avant de dérouler les grandes étapes de cette vie bien remplie, une question se pose évidemment, Bernard Degout. Comment peut-on raconter la vie d'un homme qui a passé la sienne à se raconter lui-même? C'est tout le problème de la biographie chez Chateaubriand. Oui, effectivement. Dans la première page des mémoires de sa vie, hein, qu'il a entrepris à l'époque de la Vallée aux Loups, vers 1810, il écrit que personne ne le connaît. Et il me semble qu'il faut comprendre ce « personne ne le connaît » comme lui-même ne se connaissant pas non plus. Il y a plusieurs lettres par la suite où il fait état de ce que va représenter comme découverte de lui-même la rédaction de ses mémoires. Donc à la fin, à l'issue de la rédaction de ses mémoires, est-ce qu'il se connaît ? Alors, est-ce qu'il se connaît ? Il n'a pas répondu directement à sa question, mais il a repris le même thème, alors dans une page des mémoires d'outre-tombe, cette fois-ci, hein, qui résulte de la transformation des mémoires de sa vie après la révolution de juillet, en écrivant que c'est uniquement dans ses mémoires qu'il a laissé passer sa vie. Ce qui fait que pour un aperçu biographique de la vie de Chateaubriand, ses mémoires, du moins l'affirme-t-il, sont absolument indispensables. Or, il se trouve qu'en bien des occasions, la recherche historique l'a établi, les allégations des mémoires d'outre-tombe sont controuvées. Je ne vais pas en faire la liste, elle est très longue. Il y en a même beaucoup, en effet. Oui. Il y en a beaucoup. Alors ça, c'est un premier point qui pose tout de même un problème. Mais il faut ajouter aussi que... Un très brillant commentateur de Chateaubriand, Jean-Christophe Cavallin, a montré combien Chateaubriand avait réécrit ses souvenirs à partir de la réécriture de grandes références de la culture occidentale. C'est-à-dire qu'il a réintroduit dans les mémoires d'Outre-Tombe sa propre vie dans un ensemble patrimonial, en réécrivant vraiment très méticuleusement des passages de la Bible, de Dante, du Tasse, enfin, et d'autres auteurs. Donc il interpose entre l'immédiateté de son souvenir, qu'il est réputé transcrire dans cet ouvrage, entre cette immédiateté et l'écriture finie, tout un réseau de mythographies qui appartiennent à ce grand patrimoine culturel occidental. Donc ce sont des mémoires, mais c'est bien plus que des mémoires alors. Ce sont des mémoires qui sont bien plus que des mémoires et où sa propre vie est remémorée, écrite, repensée à partir de références à cet ensemble patrimonial. Il y a du mensonge, il y a de la dissimulation, comme évidemment chez tout grand mémorialiste, chez Chateaubriand. Alors, est-ce que c'est du mensonge et de la dissimulation? Alors, le principe qu'il avait posé dans le génie du christianisme sur le beau idéal, c'était de choisir et de cacher. Choisir ce qui est beau, cacher ce qui est laid. Et dans ce premier projet de mémoire de sa vie, il explique qu'il ne va dire que ce qui est beau, que ce qui est laid de lui n'a aucun intérêt et ne doit pas être présenté. Seule la grandeur monde. L'intéresse. Alors, la petitesse, il ne la regarde même pas, et encore moins peut-être chez lui. Il en a peut-être honte d'ailleurs de sa petitesse. Alors, vous allez très vite. Vous allez très vite parce que Chateaubriand en même temps est l'homme des petites choses. Dans le spectacle de la nature, il dit que passer la mer, le soleil, ce qui l'intéresse, ce sont les toutes petites choses, les petites fleurs, tout ce qui est évanescent. Ah, une fleur, ça n'est peut-être pas une petite chose justement. C'est peut-être une très grande chose justement, une fleur. Alors oui. Alors, mais je perds le fil. Oui, donc vous disiez, est-ce qu'il cache, est-ce qu'il dissimule? Est-ce que on peut se poser la question autrement aussi, me semble-t-il, d'une manière plus affectueuse, plus positive pour Chateaubriand? C'est se demander si cette immédiateté qu'il a tellement préoccupé, son insondable cœur qu'il ne connaissait pas, s'il ne lui a pas été nécessaire pour s'en approcher, de passer par tous ces méandres. C'est quelque chose de suffisamment compliqué pour qu'il lui fasse, pour qu'il lui faille entreprendre tous ces détours pour y atteindre. Alors, et enfin, pardon, dernier point, on voit aussi que son œuvre littéraire rejaillit sur son existence factuelle, sur sa biographie factuelle. Je vais prendre l'exemple du Grand B, hein, de son enterrement sur l'île du Grand près B. De Saint-Malo. Et alors il y a de nombreuses raisons qu'on peut avancer, hein, Saint-Malo, revenir à l'origine, son berceau qui est sa tombe, mais on doit compter dans les raisons qui l'ont conduit à entreprendre de très longues démarches auprès des autorités militaires pour obtenir le droit d'être inhumé là, le fait que au moment où il entreprend ces démarches, en face de Saint-Malo, si l'on peut dire, en face du Grand B, il y a Sainte-Hélène. Et tout le travail fait par les mémoires d'Outre-Tombe autour de la figure de Napoléon et de sa propre figure, par distinction avec celle de Napoléon, se retrouve comme motif du Grand B. Et sur ce rapport à Napoléon, nous allons revenir dans cette émission et également toute cette semaine. Je propose qu'on reprenne maintenant la vie par le début, si vous le voulez bien, Bernard de Goût, avec cette première lecture des Mémoires d'Outre-Tombe. Ma mère accoucha à Saint-Malo d'un premier garçon qui mourut au berceau et fut nommé Geoffroy, comme presque tous les aînés de ma famille. Ce fils fut suivi d'un autre et de deux filles qui ne vécurent que quelques mois. Ces quatre enfants périrent d'un épanchement de sang au cerveau. Enfin, ma mère mit au monde un troisième garçon qu'on appela Jean-Baptiste. C'est lui qui, dans la suite, devint le petit gendre de Monsieur de Malesherbes. Après Jean-Baptiste naquirent quatre filles, Marianne, Béligne, Julie et Lucille, toutes quatre d'une rare beauté, et dont les deux aînés ont seuls survécu aux orages de la Révolution. La beauté, frivolité et sérieuse restent quand les autres sont passés. Je fus le dernier de ces 10 enfants. Il est probable que mes 4 sœurs durent leur existence au désir de mon père d'avoir son nom assuré par l'arrivée d'un second garçon. Je résistais, j'avais aversion pour la vie. La maison qu'habitaient alors mes parents est située dans une rue sombre et étroite de Saint-Malo, appelée la rue des Juifs. Cette maison est aujourd'hui transformée en auberge. La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville, et à travers les fenêtres de cette chambre, on aperçoit une mer qui s'étend à perte de vue en se brisant sur des écueils. J'eus pour parrain, comme on le voit dans mon extrait de baptême, mon frère, et pour marraine la comtesse de Pouer, fille du maréchal de Contade. J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues soulevées par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent conté ces détails, leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Et il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère m'infligea la vie, la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil, le frère infortuné qui me donna un nom que j'ai presque toujours traîné dans le malheur. Le ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer dans mon berceau une image de mes destinées. Sur part Alice de Poncheville. Cette vie de Chateaubriand, Bernard de Gouël, commence donc à Saint-Malo le 4 septembre 1768. Et c'est vraiment sous le signe de la tempête qu'elle commence, ou en tous les cas, que Chateaubriand se remémore ce qu'il ne peut pas se remémorer, c'est-à-dire le jour de sa naissance. Alors, cette tempête semble avérée. Là aussi, la recherche historique a établi que c'était jour de tempête. Et il y a eu une longue discussion, savoir si Chateaubriand avait pu, depuis la chambre de sa mère qui donnait sur la rue, entendre la tempête qui gémissait pendant qu'elle lui donnait naissance. Et il semble bien, c'est l'hypothèse qu'a faite Jean-Claude Bercher récemment, mais c'est une hypothèse qui a été confirmée par anticipation, si l'on peut dire, par Louis de Loménie en 1840, que Madame de Chateaubriand est accouchée dans la cuisine de leur logement, et que donc cette cuisine donnait bel et bien sur la mer, d'où les mugissements lui parvenaient. Mais Chateaubriand ne dit pas que sa mère lui a donné naissance, il dit qu'elle lui a infligé la vie. Elle lui a infligé la vie, oui. Oui. Alors ça, c'est une parole lourde, hein, qui est toute une strate de Chateaubriand qui n'a cessé dans une recherche très très très très forte d'un présent, de quelque chose qui se tienne, de déplorer l'évanescence, la labilité du temps, le fait que tout part, tout passe, que la vie est une succession de ne plus, que l'on va de défaillance en défaillance, qu'amoureusement on répète des mots qui étaient associés à des serments qui devaient être éternels et qui ne l'ont pas été, et qui à la fois grèvent les paroles ultérieures de cette trahison et en même temps rejaillissent sur le présent, puisqu'au moment où cela devait être éternel, finalement, ça ne l'était pas, puisque ça n'aurait pas pu être répété si ça avait été un présent plein. Donc la vie est une longue déception pour Chateaubriand. Alors il y a un aspect dans l'œuvre de Chateaubriand. Il y a un aspect, c'est souvent celui que l'on retient le plus parce qu'il est très très manifeste, de cette déploration de la disparition, alors, qui est liée évidemment aussi à des circonstances historiques qui ont été les siennes, puisque il est né sous Louis XV, a traversé la Révolution, ce fleuve de sang qui séparait deux mondes, et a constaté la disparition d'un ancien monde au profit d'un nouveau monde qui apparaissait et dans lequel il n'était pas toujours, à l'en croire, très très à l'aise. Hein. Il y a des propos qui font se succéder un monde de pygmées sous la monarchie de Juillet, mais aussi sous la Restauration déjà, à la grandeur de l'Empire, mm-hmm. Cette espèce de propos de déclin comme ça qui est une des strates. J'y insiste vraiment. Je crois que c'est une des strates du propos de Chateaubriand, que ça n'est pas la seule. Qu'est-ce qu'on oublie trop souvent alors de dire au sujet de Chateaubriand? Quelles sont ces autres strates sur lesquelles vous aimeriez insister? Alors, cette autre strate, c'est celle qui me semble être une quête continuelle du mouvement et du devenir, et qui est ouverte sur un avenir et non pas fermée sur un passé qui serait révolu. Chateaubriand parle d'un avenir qui est sans doute à ses yeux loin au-delà de tout horizon visible, mais néanmoins il y a un avenir, comme il y a dans ces descriptions du peuple parisien sous la Révolution, des éléments de germination qui sont mis en avant. Quelque chose va sortir de tout cela. Quoi? Et c'est à mon sens à cet endroit-là que se situe la grande ambition de Chateaubriand, c'est d'être celui qui va permettre la sortie d'un nouveau monde de tout ce qui est en germe dans ce début de 19e siècle. Alors Chateaubriand, c'est François-René Auguste de Chateaubriand. Il va signer François-Auguste et il va garder le René pour son personnage fictif dont il fera son double. Donc on est toujours là, et même avant les Mémoires d'Outre-Tombe, dans la vie d'un côté et la littérature de l'autre, assez proche, en miroir, mais tout de même un petit peu différent. Alors c'est parfaitement exact, même si cette dénomination François-Auguste semble être une erreur de sa part, qu'il n'est découvert que par la suite. Lorsqu'il était enfant, tout le monde l'appelait François et non pas François-René ou François-Auguste, et que ce soit une erreur. Alors évidemment, pour un psychanalyste, ce type d'erreur est très signifiant. Est lourde de signification. Alors ça, je m'embarquerai pas sur ce terrain-là, si vous me le permettez. Mais il est certain que le personnage de René comporte de façon transfigurée des éléments qui sont des éléments de sa propre existence. Lui-même n'en fait pas mystère. Lorsque, dans cette page des Mémoires de ma vie à laquelle je faisais référence tout à l'heure, il dit que personne ne le connaît, il dit qu'il n'a jamais laissé passer quelque chose de lui-même qu'à travers des personnages imaginaires dans ses ouvrages. Comment est-ce qu'on peut définir l'éducation du jeune Chateaubriand, Bernard Degout? Alors une éducation assez libre, hein. C'était un garnement, hein, très très vivant, et ça a été très longtemps un homme très joyeux, hein, Chateaubriand très très enfant. Joubert le dira tard encore. Un petit sauvage même, dans ses premières années. Alors, il y a le côté petit sauvage et même grand sauvage. Mais petit sauvage, oui, il a fait les pires bêtises au grand désarroi de ses parents alors qu'il était qu'il vivait à Saint-Malo. Avec une bande de garnements de Saint-Malo. Ah oui, et particulièrement l'un d'entre eux qu'il retrouvera plus tard. Grésil Bacchus. Grésil Bacchus, avec un nom pareil, évidemment. Et il a suivi des études qui n'ont peut-être quand même pas été extrêmement brillantes. Chateaubriand n'était pas un de ces élèves absolument surdoués qui une grande part de sa culture qui est énorme est une culture autodidacte, hein, qu'il a acquise par la suite. Alors c'est une éducation très libre, mais quand même aussi contrainte d'une autre manière, contrainte par l'ombre d'un père dont il fait dans les Mémoires d'Outre-Tombe un portrait plutôt glaçant que je vous propose à présent d'écouter. Le souper fini et les quatre convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait en soupirant sur un vieux lit de jour de siamoise flambée. On mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucille. Les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine blanche, ou plutôt d'une espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa tête demi-chauve était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait plus. On l'entendait seulement encore marcher dans les ténèbres. Puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité, comme un spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucille et moi, nous échangions quelques mots à voix basse quand il était à l'autre bout de la salle. Nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant « De quoi parliez-vous ?» Saisis de terreur, nous ne répondions rien. Il continuait sa marche. Le reste de la soirée, l'oreille n'était plus frappée que du bruit mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère et du murmure du vent. La compagnie des œuvres sur France Culture. Alors ce père de Chateaubriand, c'est presque un fantôme, c'est un homme sec, effrayant, sa présence transforme son entourage en statue, tellement il les impressionne. Oui. Le, on ne peut pas remettre en doute ce portrait que fait Chateaubriand, même si... ses propres sœurs, lorsqu'elles en ont pris connaissance, lui ont demandé de le corriger, et il a refusé de le faire. Donc c'est un portrait auquel il tenait, c'est au moins son père tel qu'il l'a vu. Son père était un homme extrêmement énergique, qui avait fait une fortune par le commerce maritime, et qui avait redressé le nom de Chateaubriand, un nom ancien, illustré à l'époque de Saint-Louis, et en achetant Combourg, enfin, qui avait une volonté de redresser, de relever ce nom, et qui a transmis à Chateaubriand un sens de l'honneur familial auquel il a rendu hommage. Donc Combourg, qui est ce château médiéval où Chateaubriand va passer ses vacances, et même davantage, en plus de Saint-Malo. Oui, c'est en 1777 que la famille s'installe à Combourg, et Chateaubriand, donc, qui est né en 68, va y passer plusieurs vacances et s'y installer en 1784 pour ses deux années de délire. Enfin, si, il l'a appelé comme ça, je ne me permettrai pas. C'était quoi ces années de délire? Alors, ce sont des années qu'il passe dans une certaine vacuité, si l'on peut dire, d'activité en tout cas, en compagnie de sa sœur Lucille. Ses deux autres sœurs se sont mariées et sont allés vivre avec leurs époux, et lui reste avec sa sœur, qui était de 4 ans son aînée, je crois, et qui était la plus proche de lui, et c'est en sa compagnie qu'il dit avoir découvert la muse, l'attrait pour la poésie, et qu'il a inventé sa sylphide, ce personnage inspiré de la sylphide de Rousseau, mais qu'il a investi très fortement lui-même, personnage fictif qu'une femme qui l'entourait partout, qui l'accompagnait où il allait, avec laquelle il volait dans les airs, sillonnait les mers, et dans une espèce de fusion androgyne. Donc cette sœur, d'un point de vue affectif, c'est totalement primordial pour lui, alors. Alors, cette sœur a été le refuge pour lui, et puis même dire le refuge, c'est une formulation qui est sans doute trop négative, hein. L'attrait était très très fort, ou l'attirance entre Chateaubriand et sa sœur était très très fort, dans le contexte créé par son père et sa mère, qui n'était pas non plus un bout en train, cette vie avec sa sœur a représenté quelque chose de très très important. Y a une chose, le père de Chateaubriand a fait une partie de sa fortune avec le commerce dit du bois d'ébène, c'est-à-dire la traite des Noirs, qui est un point sur lequel Chateaubriand ne s'est jamais exprimé directement, mais dans les pages qu'il consacre à l'acquisition de la vallée au Loup, des pages, vous savez, qui ont été écrites bien après le départ de la vallée au Loup, il écrit que, à la différence d'autres, il n'a pas eu besoin de déposséder les Indiens pour acquérir son domaine, que c'est Atala qui lui a permis de... Donc Atala, un de ses premiers livres. Voilà, son récit triomphal d'Atala, publié en 1801, qui lui a permis d'acquérir la vallée au Loup, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais enfin c'est un raccourci. Et donc l'insistance sur le fait qu'il n'a pas eu à dépouiller d'Indiens de Floride peut être compris quand même comme une allusion aux sources de l'enrichissement de son père pour Combourg. Il y a un côté rousseauiste, de toute façon, chez Chateaubriand, dans son rapport. Alors là, vous parlez des Indiens que lui appelle les sauvages, comme on les appelait à l'époque. Et il voit en eux tout de même quelque chose comme une nature préservée, un idéal. Il y a quelque chose de très très romantique dans sa vision du sauvage, entre guillemets. Alors, Chateaubriand était un grand lecteur de Rousseau. Jusqu'à l'époque du génie du christianisme, il est rousseauiste. Et il a très bien lu Rousseau et à certains égards pas très bien non plus, parce que lorsqu'il part en Amérique, Rousseau, c'est compliqué. Il y a il y a l'État dont on ne sait rien, qui précède celui où l'humanité aurait dû s'arrêter, alors qu'elle a été chassée de ce moment par un funeste hasard et qu'elle a continué sa marche vers un progrès qui est en même temps un déclin. Chateaubriand vraiment pense qu'il peut se refaire sauvage. Et il a gardé de cela quelque chose, ou a exprimé à cette occasion. C'est toujours très très difficile de c'est toujours la poule et l'œuf, hein, pour ce genre de situation. Mais il a exprimé à cette occasion-là, et notamment dans le dernier chapitre de L'essai sur les révolutions, un livre qu'il a publié en 1797 et qui s'achève sur une nuit chez les sauvages de l'Amérique, qui est une extase panthéiste à cette époque-là. Il a gardé de là un ancrage sauvage, si l'on peut dire, qu'il a conservé toute sa vie. Claire de Duras, ça vous la mentionniez tout à l'heure, là, ça, c'est celle qui sans doute l'a le mieux connu, sa chère sœur, lui écrit un jour, on aura beau faire de vous tout ce qu'on voudra, un roi, un pape, un diplomate, vous serez toujours un sauvage. Donc c'est un sauvageon, surtout dans sa jeunesse. Le Rousseau qu'il découvre, il le découvre tout seul. Ça n'est pas par l'école qu'il le découvre, évidemment. On peut dire que c'est un autodidacte, Chateaubriand, selon vous, Bernard Degout ? Alors largement, oui. Oui. Largement autodidacte, en faisant de bons choix, du reste, hein, puisqu'il ce qu'il lit, c'est Werther, Ossian, Bernardin de Saint-Pierre, Rousseau, c'est-à-dire ce qui, par rapport au XVIIIe siècle finissant, était quand même la l'archi-modernité littéraire, enfin si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est aussi par lui-même qu'il va découvrir alors l'Angleterre, l'Amérique des Indiens et l'Amérique de Washington, la Grèce ottomane, j'anticipe beaucoup, la Palestine musulmane, la Rome des papes, et c'est lui aussi qui va découvrir seul le Moyen-Âge. Donc il y a une curiosité incroyable de Chateaubriand. Alors, il y a une extraordinaire curiosité de Chateaubriand qui dès le début tisse toute son existence de cette référence au monde et à l'histoire du monde. Hein, les premiers mots du premier livre de Chateaubriand sont « Qui suis-je et que viens-je apporter de nouveau aux hommes ?» qui est quand même une double question extrêmement singulière, et qu'il creuse cette question en disant que il la pose à un moment où l'histoire est devenu le déterminant majeur de toutes les existences, où il n'y a plus de félicité individuelle possible, où il n'y a c'est l'histoire qui détermine de part en part toutes les existences, et simultanément il avance que tout le monde est hors du cours de l'histoire. Et lui aussi est un peu hors du cours de l'histoire quand par exemple. Quand il se décrit comme un grand timide dans cet extrait des Mémoires d'Outre-Tombe que je vous propose d'écouter à présent, Bernard Degout. Je m'étais un mystère. Je ne pouvais voir une femme sans être troublé. Je rougissais si elle m'adressait la parole. Ma timidité, déjà excessive avec tout le monde, était si grande avec une femme que j'aurais préféré, je ne sais quel tourment, à celui de demeurer seul avec cette femme. Elle n'était pas plutôt partie que je la rappelais de tous mes vœux. Les peintures de Virgile, de Tibulle et de Massillon se présentait bien à ma mémoire. Mais l'image de ma mère et de ma sœur, couvrant tout de sa pureté, épaississait les voiles que la nature cherchait à soulever. La tendresse filiale et fraternelle me trompait sur une tendresse moins désintéressée. Quand on m'aurait livré les plus belles esclaves du sérail, je n'aurais su que leur demander. Si j'avais fait ce que font les autres hommes, j'aurais bientôt appris les peines et les plaisirs de la passion dont je portais le germe. Mais tout prenait en moi un caractère extraordinaire. L'ardeur de mon imagination, ma timidité, la solitude, firent qu'au lieu de me jeter au dehors, je me repliais sur moi-même. Faute d'objet réel, j'évoquais par la puissance de mes vagues désirs un fantôme qui ne me quitta plus. Je ne sais si l'histoire du cœur humain offre un autre exemple de cette nature. Est-ce qu'on peut croire, est-ce que vous croyez, Bernard Degout, en cet autoportrait de jeune homme très inhibé, tel que le fait ici Chateaubriand ? Oui, plutôt oui, à la condition de rapporter cette inhibition à un très puissant désir. Un désir de vie ou un désir des femmes ? Un désir de vie, un désir, les femmes faisant quand même partie de cette existence, un désir des femmes et j'essayais de dire tout à l'heure un désir de présent. Mm-hmm. En partant de cette constatation dès le début, enfin qu'il était hors du cours du temps, mais je me perds pas là-dedans. Chateaubriand n'a pas arrêté de parler de la puissance de sa sève. De la vie en lui. À la fin de sa vie, les derniers livres, parmi les derniers livres des Mémoires de Totome qu'il écrit, le livre sur Venise, il a 65 ans à cette époque-là, est un livre tout entier tourné vers la jeunesse, vers la puissance du désir, vers. C'est ce qui me conduit à essayer de lire aussi dans Chateaubriand, à côté de ce grand lamento sur la disparition, tout ce qui relève d'un mouvement au contraire de vie, de puissance, d'émancipation, d'ouverture. Est-ce que c'est cette sève justement, cette puissance de vie et d'ouverture qui lui fait d'abord caresser le désir de devenir ecclésiastique, puis finalement y renoncer ? Alors le désir d'être ecclésiastique, c'est plutôt sa mère qui le désirait pour lui, et tandis que son père désirait qu'il fût marin. Et lui, on peut considérer qu'il ne savait pas trop, mais ne désirait ni l'un ni l'autre. Ce qui fait qu'il a aussi été et l'un et l'autre, parce que si l'on fait le compte de ses traversées maritimes et de tout ce qu'il a écrit sur la mer, d'une part, et d'autre part, une lettre notamment à Delphine de Custine, dans laquelle il lui écrit avec ironie, mais pas seulement, qu'il est un père de l'Église, il a aussi, sans lettre, été le marin que voulait son père et le religieux ou l'ecclésiastique que voulait être sa mère. On peut pas considérer qu'il part alors assez jeune dans le début de sa vingtaine aux États-Unis pour justement ne pas être ecclésiastique, ou que finalement il choisit le voyage, il choisit l'aventure plutôt que de devenir prêtre. Alors, il n'a vraiment pas donné suite aux volontés de sa mère de le faire entrer. Et pourtant, la religion, c'est central chez Chateaubriand. Ah oui, mais après, parce que Chateaubriand, jusqu'en 1797, est athée. Hein. Alors, c'est inexact de dire ça, parce que le récit qu'il fait de sa communion est un récit empreint de religiosité, et ensuite ce qu'on appelle sa conversion est peut s'apparenter à un retour à la fois. Hein. Mais si, il me semble que si on lit ce récit de la communion, là, c'est une religion qui fait peur. Enfin, c'est la peur de la menace, de la punition pour la confession mal faite. Et de la même manière, ce qui le pousse à croire, à pleurer, à croire, comme il l'écrit dans un raccourci au moment du décès de sa mère et de sa sœur, c'est sans doute une volonté de se réunir, l'espoir qu'offre le christianisme d'une réunion aux êtres aimés après la mort. Mais ce sont des motifs là qu'il va creuser par la suite, le génie du christianisme qu'il entreprend donc en 98. Hein, pas très vieux finalement, hein, il a 27-28 ans, quelque chose comme ça. Oui. Donc il revient quand même rapidement. Il revient rapidement, enfin une trentaine d'années, ça n'est pas rien dans une existence, surtout qu'elle a été quand même très riche. Très mouvementée déjà, oui. Oui. Mais il revient en toute sincérité. Pierre Moreau disait que le génie du christianisme n'était pas le livre d'un converti, mais le livre qui avait converti son auteur. Mmh. Et un autre critique disait une chose assez semblable, que finalement, Chateaubriand est resté toute sa vie sous le poids du génie du christianisme, en creusant au fur et à mesure de son existence l'authenticité d'une foi qui a trouvé parfois dans l'ouvrage lui-même d'apologie des expressions qui sont un peu douteuses. Mmh. Donc Chateaubriand s'est embarqué pour les États-Unis, on en parlera jeudi, c'est le thème de notre émission. Quand il revient en France, on lui a trouvé une femme. Comment ça se passe ce moment, ce retour tout de même un peu étonnant pour lui, j'imagine. Oui. Il revient d'Amérique et quelques semaines plus tard, il est marié par ses sœurs à une jeune Malouine hein, qui il n'est pas, alors il y a sans doute de l'amitié entre ses sœurs et cette jeune femme, et puis des considérations matérielles aussi qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est ça. C'était un bon parti. C'est un beau parti, mais la malheur. Alors lui a des phrases dans les mémoires d'Outre-Tombe, mais encore une fois, c'est pas forcément les phrases qu'il a eues à l'époque, hein, où il met sur le compte de son défaut de caractère, qui consiste à ne pas exprimer ce qu'il ressent et à céder à toute discussion, enfin, faites comme bon vous semblera, qu'il s'est engagé pour une vie entière à tort, quoi. Resteront mari et femme, mais lui évidemment aura beaucoup d'autres femmes dans sa vie. Il aura beaucoup d'autres femmes dans sa vie et passera quand même. Il y a des pages d'amertume très très fortes dans les mémoires d'Outre-Tombe, notamment où il déplore sur le tard. C'est à l'époque de son séjour en Suisse avec sa femme, l'état médiocre de ses finances, en disant mais ça n'est que pour une raison d'argent que je suis obligé de rester de ne pas être libre. Mm-hmm. Voilà. Toujours est-il que tous les deux partent vivre à Paris, et là c'est le moment de la Révolution. Comment se passe pour eux là le premier moment de la Révolution française? Alors Chateaubriand était à Paris à partir de 87, faisant des allers-retours avec la Bretagne. Il est à Paris au moment de la prise de la Bastille. C'est pas un homme très engagé à cette époque-là. C'est un aristocrate aussi. Alors c'est un aristocrate qui a fait le coup de poing avec les aristocrates à Rennes quelques mois plus tôt. Lors de la réunion du Parlement, des États généraux de Bretagne, pardon. Ça n'est pas non plus un homme d'un engagement très très fort. L'engagement de caste là était plus important qu'un engagement politique réel. Pour autant qu'on puisse juger, pour autant qu'on puisse se fier à ce qu'il a lui-même dit de cette période, il était plutôt de l'avis de ce qu'on appelait les monarchiens, c'est-à-dire qu'il considérait que la monarchie devait se réformer, qu'il devait y avoir un aggiornamento de la monarchie. Il n'était pas du tout figé sur l'ancien régime et était relativement ouvert hein, aux idées de la première révolution. C'est ça qu'il va écrire dans son essai sur les révolutions, qu'il va écrire à Londres en exil, parce que tout de même, il doit partir pour sa sécurité, il quitte la France. Alors, il quitte la France très peu de temps après s'être marié, en 1792. Il émigre. Et va rejoindre l'armée des princes. À cette époque-là, tout le monde pensait qu'on partait pour quelque temps seulement, que ça allait être assez rapide. Et puis finalement, il est blessé, il est malade, il se traîne jusqu'à Jersey d'abord. Puis il n'a pas d'argent du tout. Il n'a pas d'argent du tout. Il se traîne misérablement et arrive en Angleterre où il connaît vraiment la misère. Mmh. Alors il a, en l'espace de quelques mois, comme ça, fait l'expérience, une expérience double et profonde, humaine, très importante, qui est d'abord celle de la piétaille militaire, hein, parce que tout aristocrate qu'il était, il n'a pas du tout été traité comme un duc, hein, lorsqu'il a rejoint l'armée des princes. Donc cette expérience de la piétaille et l'expérience de la misère pendant les premiers mois de son séjour à Londres. Et c'est une expérience qui l'ont marqué très profondément. Alors pourquoi revient-il et à quel moment revient-il en France? Parce que on parlait de Napoléon tout à l'heure. Il y a évidemment des tas et des tas de choses à dire sur le rapport entre Napoléon et Chateaubriand. Mais comment va évoluer finalement durant cette décennie des années 90, Chateaubriand qui revient en France et qui va se retrouver finalement à travailler pas si loin que ça du nouvel État. Alors, la politique consulaire et quelqu'un a avancé que le consulat était sans doute le seul régime auquel Chateaubriand est pleinement adhéré, plus qu'à la Restauration, je dis bien le consulat, pas l'Empire. Les promesses du consulat étaient extrêmement intéressantes, à la fois pour la reconstruction sociale et puis pour, étant devenu entre-temps l'auteur du génie du christianisme, il ne faut pas l'oublier, hein, qu'il présente quand même comme une césure dans sa vie, hein, le passage de l'auteur de l'essai à l'auteur du génie du christianisme, c'est la brutalité du « j'ai pleuré, j'ai cru », hein, alors ça... Ça se discute, mais le fait est, il y a un changement très très important à ce moment-là. Donc la politique concordataire du consulat lui convient parfaitement, et le génie du christianisme, du reste, et la deuxième édition comportera une dédicace à l'homme providentiel, au nouveau Cyrus. Qu'il va rencontrer à une fête de Lucien Bonaparte, oui. Où lui-même était invité. Il l'a raconté là encore dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Quand il se dirigea vers ma personne, on ne savait qui il cherchait. Les rangs s'ouvraient successivement, chacun espérait que le consul s'arrêterait à lui. Il avait l'air d'éprouver une certaine impatience de ses méprises. Je m'enfonçais derrière mes voisins. Bonaparte éleva tout à coup la voix et me dit « Monsieur de Chateaubriand !» Je restai seul alors en avant, car la foule se retira et bientôt se reforma en cercle autour des interlocuteurs. Bonaparte m'aborda avec simplicité. Sans me faire de compliments, sans questions oiseuses, sans préambule, il me parla sur le champ de l'Égypte et des Arabes, comme si j'eusse été de son intimité et comme s'il n'eût fait que continuer une conversation déjà commencée entre nous. À la suite de cette entrevue, il pensa à moi pour Rome. Il avait jugé d'un coup d'œil d'où et comment je lui pouvais être utile. Peu lui importait que je n'eusse pas été dans les affaires, que j'ignorasse jusqu'au premier mot de la diplomatie pratique. Il croyait que tel esprit sait toujours et qu'il n'a pas besoin d'apprentissage. C'était un grand découvreur d'hommes, mais il voulait qu'il n'eusse de talent que pour lui, à condition encore qu'on parlât peu de ce talent. Jaloux de toute renommée, il l'a regardé comme une usurpation sur la sienne. Il ne devait y avoir que Napoléon dans l'univers. La Compagnie des œuvres sur France Culture et cette lecture par Guillaume Gallienne. On voit que la manière dont Chateaubriand relate finalement cette rencontre avec Napoléon montre bien toute l'ambivalence des sentiments qu'il lui porte. Alors, une ambivalence, oui, très, très, très grande. Alors, c'est vraiment un sujet en soi, hein, les relations de Chateaubriand avec Bonaparte et Napoléon. Mais effectivement, alors passé le grand découvreur d'hommes, celui qui voit tout de suite, il semble bien que le choix qu'a fait Napoléon après la publication du Génie du Christianisme en 1802, hein, de nommer Chateaubriand comme secrétaire de légation à Rome auprès de son oncle, le cardinal Fesch. Donc en 1803. En 1803, soit un choix qu'il ait fait lui-même. Il avait de bonnes raisons de ne pas le faire, à écouter les uns et les autres autour de lui, et il l'a fait. Et Chateaubriand est, comme il le dit, entré dans la politique par la religion. Alors il y a plusieurs entrées de Chateaubriand dans la politique, hein, il l'a dit à plusieurs reprises et différemment, mais ça c'est l'une d'entre elles. Et il se retrouve à Rome où il est confiné à des tâches qui lui paraissent très très nettement en dessous de son génie, hein, et où il commet alors ce qui est présenté comme des maladresses ou alors un double jeu assez fort, c'est ce que pensera son chef de poste, dans la mesure où il grille la politesse du chef de poste en quelques occasions, hein, c'est-à-dire se passe de ses instructions pour se faire présenter ici et là, et surtout rencontre des souverains qui ne sont pas en bonne grâce auprès de la cour impériale. Il a sans doute des relations avec un agent royaliste qui s'appelle la Maison Fort à ce moment-là. Enfin, tout ça fait l'objet d'intrigues et qui mèneront le cardinal Fesch à demander son départ. En tout cas, à partir de cette année-là, s'ouvre une carrière diplomatique qui va durer quand même très longtemps pour Chateaubriand. Est-ce qu'il change de statut là tout d'un coup? Ça n'est plus un écrivain, il devient un diplomate. À quoi passe-t-il l'essentiel de son temps, Bernard de Gou? Alors il passe il passe l'essentiel de son temps à tuer les puces qui le couvre dans les combles du palais Simonetti. Ça n'est pas une activité d'écrivain non plus. À estampiller des passeports, mais déjà oui. À écrire, à faire le projet de ses mémoires. Mais il faut ajouter un épisode, c'est que sa maîtresse Pauline de Beaumont, qui était phtisique, est venue mourir dans ses bras à Rome en novembre, et que ça s'accompagne d'une crise morale très très forte pour lui. Et c'est là qu'il pose son premier projet de d'écriture mémorialiste. Il va partir à Naples, faire un voyage, et puis va regagner Paris, non sans avoir été au préalable nommé par Napoléon ambassadeur ambassadeur chef de poste dans le Valais. Où il n'ira jamais. Il n'ira jamais. D'abord, il avait cru que c'était le comté de Vaud, qui n'était pas tout à fait ça. Mais il n'ira pas parce que l'événement de l'exécution du duc d'Enghien a marqué une coupure réellement dramatique dans les relations qu'il a pu entretenir avec l'Empire naissant. Donc la démission de Chateaubriand date de ce moment-là. Alors elle date de ce moment-là. Alors c'est une démission. Ça arrive souvent à Chateaubriand, c'est d'amplifier le trait. En gros, il dit qu'il a jeté sa démission au visage de Napoléon et de Talleyrand. De fait, il a envoyé une lettre en disant que sa femme étant malade, il ne pouvait pas regagner son poste, et c'est Talleyrand qui lui a dit « Très bien, on se passera de vous ». Donc c'était moins cinglant. Il n'empêche que personne n'a été dupe de cela, et que c'était bel et bien un des rares actes de courage à ce moment-là pour protester contre une exécution qui relevait de l'assassinat politique pur et simple. Et c'est pour ça aussi qu'il se retrouve en bonne position pour la restauration, parce qu'il va faire une deuxième carrière alors politique sous Louis XVIII, puis Charles X. Vous disiez il entre dans la carrière diplomatique, elle connaît un très long intermède, hein, puisque entre 1804 et les années 20, il ne sera pas diplomate. Mais alors effectivement, même si la vie de Chateaubriand sous l'Empire n'a pas été conduite sous une menace continue d'emprisonnement ou d'être fusillé par l'empereur, même si Chateaubriand a énormément et avec une habileté vraiment remarquable, avec l'aide du journal des débats, entre avril 1814 et mai 1815, ou mars 1815, construit une figure de lui-même comme opposant radical à Napoléon, ce qui lui a permis d'asseoir une légitimité qu'il a développé sous la Restauration. Même si ça n'a pas atteint ce degré d'opposition, Chateaubriand a été un opposant à Napoléon, plus que Napoléon un opposant à Chateaubriand. À la fin de chaque grande époque, on entend quelques voix dolentes des regrets du passé et qui sonnent le couvre-feu. Ainsi gémirent ceux qui virent disparaître Charlemagne, Saint-Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Que ne pourrais-je pas dire à mon tour, témoin oculaire que je suis de deux ou trois mondes écoulés? Quand on a rencontré comme moi Washington et Bonaparte, que reste-t-il à regarder derrière la charrue du Cincinnatus américain et la tombe de Sainte-Hélène? Pourquoi ai-je survécu aux siècles et aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma vie? Pourquoi suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans les ténèbres et la poussière d'une catacombe remplie? Je me décourage de durer. Ah, si du moins j'avais l'insouciance d'un de ces vieux arabes de rivage que j'ai rencontrés en Afrique. Assis, les jambes croisées sur une petite natte de corde, la tête enveloppée dans leur burnou, ils perdent leurs dernières heures à suivre des yeux parmi l'azur du ciel le beau phénicoptère qui vole le long des ruines de Carthage. Bercés du murmure de la vague, ils entr'oublient leur existence et chantent à voix basse une chanson de la mer. Ils vont mourir. Un nouvel extrait des Mémoires d'Outre-Tombe lu par François Chaumette. Alors Chateaubriand qui a quand même beaucoup considéré la vie comme un châtiment, malgré ce que vous disiez Bernard de Gou, elle a vécu jusqu'à presque 80 ans. Oui. Une vie très longue. Une très longue existence qui s'est achevée dans une certaine décrépitude, hein. Chateaubriand a été victime de rhumatisme extrêmement douloureux. Il a passé la fin de sa vie en compagnie de sa femme, mais en rendant quotidiennement visite à Juliette Récamier, dont il était épris depuis 1817. Il y a bien des différences entre la vie qu'il pourrait prôner de manière théorique et puis la vie qu'il a eue lui-même. Il y a un côté un peu Tartuffe quand même aussi chez Chateaubriand, selon vous. Alors non, je ne dirais pas Tartuffe, parce que alors je sais bien que André Mauroy déplorer, je crois que les pages du génie du christianisme sur la sainteté du mariage aient convaincu tout le monde, sauf Chateaubriand lui-même. Mais il n'a pas fait mystère de cette défaillance. Une sincérité forte. Et on terminera sur ce mot de sincérité. Merci beaucoup Bernard de Gou. Je ne saurais trop encourager les auditeurs à visiter la maison de Chateaubriand que vous dirigez dans le domaine de la Vallée au Loup en région parisienne. Je conseille également chaleureusement votre essai « Je ne suis plus que le temps » paru aux éditions Fayard. Tout de suite dans la compagnie des œuvres, c'est le moment de la chronique. Une chronique proposée aujourd'hui par Marin de Viry de la Revue des Deux Mondes. Bonjour à vous Marin. Bonjour. Avec un numéro qui a pour thème central l'Algérie. L'Algérie et nous, puisqu'il s'agit des rapports entre l'Algérie et la France et une étude générale de la situation algérienne, tant politique que géopolitique, intérieure, etc., qui est centrée dans tous les dix articles qui traitent de l'Algérie. Il y a un grand entretien d'abord avec Gilles Kepel qui fait le point sur la situation de politique intérieure, qui est, disons, à la croisée des chemins entre un scénario à l'égyptienne et puis un scénario à la tunisienne, et qui est encore assez fragile. Et puis la situation géopolitique, où la Russie, notamment, joue un rôle absolument central, qui est bien analysé par Gilles Kepel. Également un grand entretien, ou plutôt un reportage de rue de Sébastien Lapac sur la jeunesse algérienne. Absolument, pour nous faire comprendre, au fond, la société algérienne, que les Français, par peut-être un mélange de passion et de gêne, comprennent pas. Ils ont dans la tête un certain nombre de mots, mais qui sont des mots finalement très théoriques. Voilà, l'Algérie, ça a été les nationalisations, l'arabisation, la militarisation du régime, des privatisations, l'islamisation, etc. Mais au fond, si toutes ces briques-là, qui sont des briques explicatives, n'arrivent pas véritablement à nous donner une image sensible et réelle de l'Algérie, et c'est ce qu'essaye de faire Sébastien Lapac dans un reportage où il a essayé vraiment de décoder la jeunesse algérienne. Il y a aussi la question de la rente pétrolière, qui est toujours importante. Absolument, il y a un article d'Annick Steta très détaillé sur les pièges de la rente pétrolière. La rente pétrolière, c'est à la fois extrêmement bénéfique pour une économie, sauf quand le pétrole, les cours du pétrole s'effondrent, ce qui est tendanciellement le cas depuis une quinzaine d'années, et quand évidemment cette rente, elle est confisquée, ce qui est un petit peu moins le cas d'ailleurs ces dernières années en Algérie. Ils ont réussi à socialiser un peu cette rente pétrolière, mais à la socialiser, alors même qu'elle diminue. Et donc, il y a dans l'économie algérienne quelques petites lueurs d'espoir, mais pas beaucoup, puisque cette rente pétrolière représente encore 75% des recettes de l'État et plus d'un tiers du produit national brut. Et donc, on est dans une économie dépendante d'une rente qui s'avère finalement être un piège. Il y a aussi dans ce numéro la figure inévitable, incontournable, central de Camus, qui est traité à la fois par Robert Kopp et par Virginie Lupeau. Bon, Virginie Lupeau traite la question du déchirement sans solution que représente l'Algérie dans l'œuvre romanesque de Camus. Et puis Robert Kopp parle, lui, plutôt de la question du colonialisme et comment elle s'insère dans son œuvre romanesque. Je vous cite simplement cette phrase de Camus qui disait qu'aucune femme française ne pouvait s'afficher avec un arabe sans s'exposer à des ennuis, et qui a conclu par cette phrase magnifique, presque tout s'incline devant l'amour, sauf le colonialisme. Qu'est-ce qu'on trouve dans la rubrique reportage, Marin de Viry? Alors, dans la rubrique reportage, on y retrouve un article de Jean-Michel Didjian sur Ivan Illich, qui est ce prêtre intellectuel, si je peux dire, très anti-idéologie de la croissance, qui était un des grands inspirateurs de Paul VI, et notamment qui a joué un rôle tout à fait central dans la préparation intellectuelle de Vatican II, qui est donc le grand pourfendeur de l'idéologie de la croissance des Trente Glorieuses, et qui a eu une influence intellectuelle transpartisane extrêmement importante, puisqu'il a séduit des gens aussi divers que Gandhi, Deleuze, Anna Arendt, et même le sous-commandant Marcos. Je sais que vous aviez envie de dire un mot sur la fin de Medium, la revue de Régis Debray, dont le dernier numéro a pour thème la mort et après, mais j'ai bien peur, Marin, que ça ne soit pas possible. On renvoie nos auditeurs sur cette revue-là, on renvoie également nos auditeurs sur la revue des Deux Mondes, et on vous remercie fort chaleureusement. C'est la Compagnie des œuvres, une émission proposée par Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Hélène Rivière, Anne Fleury et Clément Daté. Demain, nous continuons à revenir sur Chateaubriand et en particulier sur son œuvre de fiction avec Atala et René, mais également son œuvre de mémorialiste et en particulier les Mémoires d'Outre-Tombe. Ce sera avec Fabienne Bersegol.